Chapitre 5. Les chrétiens arrivent les uns après les autres sur les côtes de la Grande-Bretagne. On ne retrouve pas, et il s'en faut de beaucoup, dans toutes les parties du Saint Graal, l'agrément de l'histoire d'Hippocrate et de la nef de Salomon. Le romancier n'évite pas les répétitions, les digressions ascétiques, les incidents qui font perdre de vue le but. Nous passerons rapidement à travers ces landes péniblement arides. Au point où nous sommes arrivés, il nous reste à conduire tous les nouveaux chrétiens sur le rivage de la Grande-Bretagne, où les attend déjà Joseph d'Arimathie. Tandis que les deux belles sœurs, la reine Sarah-Sainte et la duchesse Flégétine, soupirent après le retour des cinq messagers qu'elles ont envoyés en quête de leurs époux, le jeune Célidoine, comme on l'a vu plus haut, a retrouvé son père Nacien dans l'île tournoyante où il avait été transporté. De là, recueillis par la nef de Salomon, ils ont pu rejoindre en pleine mer le navire qui conduisait le roi Mordrin. Quant aux messagers, nous les avons laissés dans l'île d'Hippocrate avec la demoiselle de Perse, fille du roi Label. Ils y sont visités à plusieurs reprises et par le démon, qui, sous diverses formes, les invite à revenir au culte des idoles, et par Jésus-Christ, qui les fortifie dans leur nouvelle créance. Le roi Mordrin et le duc Nacien nous ont habitués déjà aux épreuves de ce genre. Disons seulement que, s'étant remis en mer, ils rejoignent ceux qu'ils cherchaient. Mais à peine se sont-ils reconnus que saint Hermoine, cet ermite auquel Nacien avait dédié une église dans sa ville d'Orbéric, fend les eaux sur un léger esquif et vient prendre Célidoine pour le conduire en Grande-Bretagne. Cependant, Mordrin et Nacien retournent en Orient, sans doute pour avoir occasion d'introduire dans leur récit un nouveau personnage, le fils naturel du roi de Saras, nommé Grimaud ou Grimal, le Grimaldi des Italiens. Ces aventures nous occuperont tout à l'heure. Disons tout de suite que Nacien, avant d'obéir au nouvel ordre céleste qu'il reçoit de retourner en Occident, est arrêté par le géant Pharin, parent éloigné de Samson Fortin, ou le Fort, et par Nabor, son sénéchal, que Flégétine avait envoyé pour l'obliger à revenir à Orbéric. Le géant est tué par Nabor, et Nabor est frappé de mort subite au moment où il va lui-même immoler Nacien. La nef de Salomon transporte ensuite sur le rivage du pays de Galles Nacien et les chrétiens qui n'avaient pas su profiter de la chemise de Joseph pour faire cette longue traversée. Dans la ville de Galeford, Nacien retrouve son fils Célidoine travaillant à convertir le duc Ganor. Le roi de Northumberland veut obliger Ganor à garder ses idoles et perd une grande bataille. Nacien lui tranche la tête, est reconnu roi du Northumberland, et les habitants de la contrée reçoivent la religion que les Asiatiques leur apportent. Il y avait pourtant à Galeford 50 obstinés qui, pour éviter le baptême, résolurent de quitter le pays. À peine entrés en mer, une horrible tempête engloutit leur vaisseau et rejette leurs cadavres sur le rivage. Ganor, sur l'avis de Joseph, fit élever une tour fermée de murailles sous lesquelles on déposa le corps des 50 naufragés. Ce monument, appelé la tour du jugement ou des merveilles, donnera lieu plus tard à de grandes aventures. La tour brûle d'un feu permanent qui en défend l'approche aux profanes, et trois chevaliers de la cour d'Artus pourront seuls pénétrer dans l'enceinte avant d'accomplir les épreuves qui doivent précéder la découverte du Graal. Pour l'évêque Joseph, après avoir achevé la conversion des habitants du Northumberland, il revient sur ses pas et entre dans le pays de Norgal. Là règne le roi Crudel, qui, loin de recevoir avec bonté les chrétiens, les fait jeter en prison et défend qu'on leur porte la moindre nourriture. Jésus-Christ devient alors leur pourvoyeur, et pendant les 40 jours que dure leur captivité, ils croient, grâce à la présence du Saint Graal, que toutes les meilleures épices leur sont abondamment servies. Le roi Mordrin, avant d'être une seconde fois averti de quitter Saras, avait confié le gouvernement de son royaume aux deux barons auxquels il se fiait le plus, tandis que Grimaud, son fils bâtard, résidait dans la ville de Barout ou Beyrouth. Mordrin reparut en Bretagne avec une armée considérable, cette fois emmenant avec lui la reine Sarah-Sainte, la duchesse Flégétine et la fille du roi la Belle, baptisées sous ce même nom de Sarah-Sainte. Un seul incident marque la traversée de Mordrin. Le châtelain de la Couanne, Iconium, qui faisait partie de la flotte, nourrissait depuis longtemps un coupable amour pour la duchesse Flégétine, mais il la savait trop vertueuse pour la solliciter. Un démon offrit de lui rendre la duchesse favorable s'il voulait faire un pacte avec lui. Le châtelain renia Dieu et fit hommage au malin esprit lequel, prenant aussitôt les traits de Flégétine, permit au châtelain d'assouvir sa passion criminelle. Alors une violente tempête s'éleva sur la mer et menaça d'engloutir toute la flotte. Un saint ermite, éclairé par un songe, conseille au roi d'arroser d'eau bénite le vaisseau qui portait le châtelain. On voit aussitôt la fausse duchesse entraîner dans l'abîme le châtelain de la Couanne en criant « J'emporte ce qui m'appartient !» L'orage s'apaise et la flotte fend tranquillement les flots jusqu'à l'endroit de la Grande-Bretagne où l'Imbre tombe dans la mer, à 3 petites lieues de Gaelford. L'autre texte dit qu'ils approchèrent du royaume de Norgal et devant un château nommé Calaf. Il est en effet bien douteux que les romanciers n'aient pas entendu conduire les chrétiens dans le pays de Galles. À peine installé, Mordrin, obéissant à la voix céleste, partagea le lit de la bonne reine Sarah-Sainte et engendra en elle un fils, plus tard roi de sa race. La reconnaissance du roi Mordrin et des dames avec Nacien et Célidoine est suivie du long récit d'un double combat entre les Northumberlandois, nouvellement convertis, et les Norgalois. On y retrouve plusieurs épisodes de la bataille livrée par Évalac et Séraph au roi d'Égypte Ptolémée. Ici, Crudel, le roi de Norgal, est immolé par Mordrin, et les sujets de Crudel consentent à reconnaître un dieu qui fait ainsi triompher ceux qui croient en lui. Les deux Joseph, enfermés dans les prisons de Crudel et privés de nourriture depuis 40 jours, avaient par bonheur, ainsi que nous l'avons dit plus haut, été repus par la grâce de Jésus-Christ et du Graal. C'est une réminiscence des 40 années que Joseph avait passées dans la tour dont Vespasien l'avait tiré. Le chevalier envoyé par Mordrin dans le souterrain où ils avaient été jetés fut d'abord ébloui de la clarté dont les arceaux étaient illuminés et qui semblait l'effet de 30 cierges ardents. Il appela les deux Joseph, leur apprit la mort de Crudel, l'arrivée de Mordrin et la conversion des Norgalois. Une belle église fut bâtie dans la cité de Norgal. Mais ici le roi Mordrin, si lent à croire et si facilement disposé à la défiance, reçoit le châtiment de sa curiosité téméraire, comme on va le voir. Joseph avait fait porter dans la chambre de ce prince l'arche qui contenait le Graal. Les chrétiens se rendirent au service ordinaire, puis allèrent recevoir la grâce. Le roi, qui lui-même en avait ressenti les délicieux effets, dit qu'il ne souhaitait rien tant que de voir de ses yeux, dans l'arche, l'intérieur du sanctuaire d'où semblait venir le don de cette grâce. Malgré les blessures qu'il avait reçues dans les combats précédents, il se lève de son lit, passe sur sa chemise un surcot et s'avance jusqu'à la porte de l'arche, en telle sorte que sa tête et ses épaules étaient dans l'intérieur. Alors il considéra la sainte écuelle placée près du calice dont Joseph se servait pour accomplir le sacrement. Il vit l'évêque revêtu des beaux vêtements dans lesquels il avait été sacré de la main de Jésus-Christ. Tout en les admirant, il reportait vivement ses regards sur la sainte écuelle, qui lui offrait bien d'autres sujets d'admiration. Nul esprit ne pourrait penser, nulle bouche dire tout ce qui lui fut découvert. Il s'était, jusqu'à présent, tenu agenouillé, la tête et les épaules en avant. Il se relève et tout aussitôt sent dans tous ses membres un tremblement, un frisson qui devait l'avertir de son imprudence. Mais il ne put se décider à faire un mouvement en arrière. Il portait même la tête plus en avant, quand une voix terrible sortant d'une nuée flamboyante. « Après mon courroux, ma vengeance, tu as été contre mes commandements et mes défenses. Tu n'étais pas encore digne de voir si clairement mes secrets et mes mystères. Résigne-toi donc à demeurer paralysé de tous les membres jusqu'à l'arrivée du dernier, du meilleur des preux, qui, en te prenant dans ses bras, te remettra dans l'état où tu avais été jusqu'à présent. » La voix cessa, et Mordrin tomba lourdement comme une masse de plomb. De tous ses membres, il ne conserva que l'usage de la langue, et ne put de lui-même faire le moindre mouvement. Les premières paroles qu'il prononça furent « Ô mon Dieu, soyez adoré. Je vous remercie de m'avoir frappé. J'ai mérité votre courroux pour avoir osé surprendre vos secrets. » Les deux Joseph, Nacien, Ganor, Célidoine, Bron et Pierre, entourant alors le roi, le saisirent et l'emportèrent sur son lit, non sans pleurer en voyant son corps devenu mou et flasque, comme le ventre d'une bête nouvellement écorchée. Pour Mordrin, il répétait qu'au prix de la santé qu'il avait perdue, il ne voudrait pas ignorer ce qu'il avait vu dans l'arche. « Qu'avez-vous donc en vue ? » demanda le duc Ganor. « La fin, reprit-il, est le commencement du monde, la sagesse de toutes les sagesses, la bonté de toutes les bontés, la merveille de toutes les merveilles. Mais la bouche est incapable d'exprimer ce que mes regards ont pu reconnaître. Ne me demandez rien de plus. » Sarrasinthe et Flégétine arrivèrent à leur tour pour gémir de l'infirmité du roi Mordrin. Sans perdre de temps, celui-ci fit approcher Célidoine et sa filleule, la jeune Sarrasinthe. « Je vais vous parler, leur dit-il, de la part de Dieu. Joseph, il vous faut procéder au mariage de ces deux enfants. Leur union mettra le comble à tous mes vœux. » Le lendemain, en présence des nouveaux chrétiens de la cité de Longtown, Célidoine et la fille du roi de Perse furent mariées par Joseph. Les noces durèrent 8 jours, pendant lesquels Nacien, le roi de Northumberland, investit son fils du royaume de Norgal et le couronna dans cette ville de Longtown. Longtown est une ville située à l'extrémité septentrionale du Cumberland. Ainsi, le Norgal répond à cette province. Le menu peuple fit hommage au nouveau souverain qui disposa généreusement en leur faveur du grand trésor amassé par le roi Crudel auquel il succédait. Ce mariage ne pouvait rester stérile. La jeune Sarrasinthe mit au monde, avant que l'année ne fût révolue, un fils qu'on nomma Nacien et qui dut succéder à son père. Après être resté 15 jours à Longtown, il fallut se séparer. Le Saint Graal fut ramené à Guildford avec le roi Méhénier, comme on désignera maintenant Mordrin. On le transporta péniblement en litière. Célidoine demeura dans ses nouveaux domaines, et le romancier, en s'étendant longuement sur ses bons déportements, remarque qu'il chevauchait souvent de ville en ville et de château en château, fondant églises et chapelles, faisant instruire aux lettres les petits-enfants et gagnant mieux de jour en jour l'amour de tous ses hommes. Nacien retourna dans le pays de Northumberland avec Flégétine. Comme son fils, il fut grand fondateur d'églises, grand ami de l'instruction des enfants. À Guildford vinrent, avec le roi Méhénier, la reine Sarrasinthe, Ganor, Joseph et son fils. Peu de jours après leur arrivée, la femme de Joseph mit au monde un fils qui, d'après l'avertissement céleste, fut nommé Galaad le Fort. Le roi Méhénier, voyant accompli tout ce qu'il avait souhaité, dit à son beau-frère Nacien : Je voudrais qu'il vous plût me transporter dans un hospice ou ermitage éloigné de toute autre habitation. Le monde et moi n'avons plus aucun besoin l'un de l'autre. Je serais un trop pénible fardeau pour ceux que d'autres soins réclament. Trouvez-moi l'asile que je désire, pendant que vous et votre sœur vivez encore, car, si j'attendais votre mort, je risquerais de rester au milieu de gens qui ne me seraient rien. » Nacien demanda l'avis de Joseph. « Le roi Méhénier, dit l'évêque, a raison. Il est bien éloigné du temps où la mort le visitera. Nous ni les enfants de nos enfants ne lui survivrons. Près d'ici, à 7 lieues galloises, nous trouverons le réduit d'un bon ermite qui l'accueillera et se réjouira de pouvoir le servir. C'est là qu'il convient de transporter le roi Méhénier. » Quand fut disposée la litière sur laquelle on l'étendit, il partit accompagné du roi Nacien, du duc Ganor, des deux Joseph et de la reine Sarah-Sainte. L'ermitage où ils s'arrêtèrent était éloigné, comme avait dit Joseph, de toute habitation. On lui avait donné le nom de Mylingène, qui en chaldéen a le sens de « engendrer le miel », en raison des vertus et de la bonté des prud'hommes qu'il avait tour à tour occupés. On déposa le roi Méhénier à l'angle avancé de l'autel, sur un lit enfermé dans une espèce de prône en fer. Et firent son lit environné de prônes de fer. Prône doit venir non de proconium, mais de prosenium, et le sens primitif doit être barre de tribune ou échafaud avancé, de là le prône du curé. On appelle encore, bien que l'académie ne le dise pas, la petite porte à claire voie que l'on ouvre et ferme quand la véritable porte est ouverte, un prône. De là pouvait-il voir le corpus domini toutes les fois que l'ermite faisait le sacrement. Dans l'enceinte de fer était pratiquée une petite porte qui lui permettait de suivre des yeux le service de l'ermite. Quand il fut là déposé, le roi demanda qu'on lui présentât l'écu qu'il avait autrefois porté en combattant Ptolémée Séraste et qui, sur un fond blanc, portait l'empreinte d'une croix vermeille. On le pendit au-dessus du lit et le roi Méhénier dit en le regardant « Beau sire Dieu, aussi vrai que j'ai vu sans en être digne, une partie de vos secrets, faites que nul ne tente de prendre cet écu à son col sans être aussitôt châtié, à l'exception de celui qui doit mener à fin les merveilles du royaume aventureux et mériter d'avoir après moi la garde du vaisseau précieux. » On verra que Dieu accueillit favorablement cette prière. Depuis ce moment, le roi Méhénier ne prit aucune autre nourriture qu'une hostie consacrée par l'ermite et que celui-ci lui posait dans la bouche après la messe. Il était entré dans l'ermitage l'an de grâce 58, la veille de la Saint-Barthélemy apôtre. La reine Sarah-Sainte résista à toutes les prières que lui firent Nacien, Ganor et les deux Joseph pour retourner avec eux à Galeford. Elle préféra demeurer auprès du roi Méhénier jusqu'au jour où, plus avancée dans sa grossesse, elle revint à Galeford pour donner naissance à l'enfant qui lui avait été prédit et qui fut nommé Eliezer. Quittons maintenant la Grande-Bretagne, où déjà nous avons établi les rois Mordrin, Nacien et Célidoine, où sont nés les enfants Nacien, Galaad et Eliezer, et retournons pour la dernière fois en Syrie et en Égypte. Le curieux épisode qu'on va lire a été supprimé dans le plus grand nombre des manuscrits et dans les deux éditions gothiques du XVIe siècle.